Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, c'est le temps de la prière. Jésus se rendait chaque matin quand il faisait encore sombre pour prier. C'est le matin où tu dois puiser dans les bontés infinies de Dieu, car il est écrit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 8, 14 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc notre passage du jour, Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons partager trois vérités concernant le Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine spéciale Pentecôte. Première vérité. La première vérité nous montre ce que le Saint-Esprit n'est pas. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Écoute-moi bien. Tu dois savoir ce que n'est pas le Saint-Esprit ou ce que le Saint-Esprit ne fait pas. Il y a deux éléments essentiels. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Vous voyez, il est dit ici, au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Celui qui nous met dans la servitude, c'est Satan, c'est le démon. Je veux parler à quelqu'un. Comment peux-tu prétendre être conduit par l'Esprit de Dieu pendant que tu es esclave de la débauche, tu es esclave de la colère, tu es esclave des démons? Le Saint-Esprit ne nous rend pas esclaves. Celui qui nous rend esclave, c'est le diable. Celui qui nous rend esclave, c'est Satan. Celui qui nous rend esclave, c'est le péché. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude, mais le Saint-Esprit nous libère. Il nous rend libres parce que c'est l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Il n'est pas l'esprit de servitude. C'est pourquoi même lorsque nous manifestons les dons du Saint-Esprit, l'apôtre Paul pouvait dire, même quand je parle la langue, mon intelligence est stérile. Vous voyez, souvent quand les gens entrent en transe pour prophétiser dans le culte, il y a des gens qui font le désordre sous prétexte ils sont sous la mouvance du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne nous rend pas esclaves. Quand on dirige un culte par exemple et que tu dis que tu es sous la mouvance du Saint-Esprit, quand le pasteur ou les modérateurs dit par exemple taisez-vous, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il peut se taire parce que le Saint-Esprit ne nous rend pas esclaves au point où notre volonté ne peut même plus savoir comment se conduire. Non. Ce n'est pas l'esprit de servitude. Deuxième élément que vous devez comprendre, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de crainte. Je parle à quelqu'un. Souvent, tu as peur de dormir seul. Tu as peur de la mort. Tu te vas au cimetière. Tu as même peur de voyager. Je parle à toi. Ça fait longtemps. Dieu t'a donné l'occasion de voyager même à l'extérieur du pays en France. Tu dis, moi j'ai peur de l'avion. Mon ami, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de crainte. Vous voyez, le Saint-Esprit nous libère de la peur de l'échec, la peur d'avancer, la peur, je ne sais pas, de mort, la peur des esprits des eaux, la peur des sorciers. Non, la Bible déclare que celui qui est en toi, celui qui est en nous, est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu vois que dans ta vie, tu es toujours hanté, tu as toujours des pensées, des craintes, sache que ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Il faut que tu puisses prier pour chasser cet esprit-là des craintes. Parce que Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Deuxième grande vérité, le Saint-Esprit c'est l'esprit d'adoption. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons reconnaître que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. On n'est pas né chrétien, on le devient. Je parle à quelqu'un, toi tu dis, moi je suis baptisé, je suis confirmé. Mon ami, ce n'est pas le baptême qui fait de quelqu'un enfant de Dieu, dis la confirmation. C'est l'acceptation personnelle, la rencontre personnelle avec Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que tu reçois le Saint-Esprit et Dieu t'adopte maintenant comme son fils, comme sa fille. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que tu deviens un enfant adoptif de Dieu. Il nous adopte en Jésus-Christ. Et le fils adoptif, sur le plan du droit, jouit des mêmes droits que l'enfant légitime. Est-ce que vous comprenez? Nous devenons des fils adoptifs parce que Dieu nous donne son esprit. C'est l'esprit d'adoption. C'est pourquoi le verset 15 dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Abba, c'est un terme araméen qui veut dire papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette identité d'enfant de Dieu, qui nous permet de nous adresser à Dieu dans la prière, de l'appeler Père. Il y a maintenant une intimité entre nous et Dieu. Je parle à toi, mon frère. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi te fais-tu des soucis si des questions d'argent? Alors que tu as un Père. Même si ton père terrestre est mort, tu n'as plus de parents, personne ne prend soin de toi. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas orphelin. Il y a un père céleste qui prend soin de toi. Je vais parler à une jeune fille où tu te plains parce que tu dis que tes parents n'ont plus de moyens pour payer ta scolarité à l'université. Hein? Tu vois, ton avenir est compromis. Non, j'aimerais te dire quelque chose. Dieu est devenu ton père lorsque tu as un problème de lotion. Lorsque tu as un problème, par exemple, d'habit. Demande à ton père. Parce que le Saint-Esprit te permet de t'approcher avec liberté, avec assurance de ton père pour lui demander ce dont tu as besoin. Est-ce que tu comprends? Ton père terrestre peut t'abandonner. Ta mère terrestre peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Mais le Père céleste ne peut jamais t'abandonner. Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. C'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit, pour que tu puisses t'approcher de lui dans la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Troisième vérité, le Saint-Esprit rend témoignage en nous pour nous donner l'assurance ou la certitude de notre salut. Vous voyez, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la certitude de leur salut. Je parle à toi, mon frère. Chaque fois qu'on prêche et qu'on demande à celui qui veut donner sa vie à Jésus de se lever, tu te lèves. Tu vas te lever combien de fois, mon ami? On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur une fois pour toutes dans sa vie. Et le problème qu'ont beaucoup de chrétiens, c'est quoi? Ils manquent cette certitude. C'est-à-dire, quand tu mènes une vie de péché, une vie de négligence, une vie mondaine, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ne peut pas donner cette assurance à toi. Parce que Paul dit ici, au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi, l'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de te donner cette certitude, c'est-à-dire par une voix intérieure, par une conviction intérieure, c'est le Saint-Esprit qui te dit que toi, tu es un vrai chrétien. Même si tu meurs aujourd'hui, toi, tu iras au ciel. Est-ce que tu comprends? Ta vie est cachée avec Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Si toi qui m'entends, tu n'as pas toujours cette certitude. Tu te poses la question, est-ce que si tu meurs, où iras-tu? Mon ami, c'est qu'il y a, tu dois avoir un problème encore. Le Saint-Esprit, il rend témoignage. Les vrais enfants de Dieu, ils ont cette certitude qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont la vie éternelle. Le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la suite dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes même des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit? Il nous garantit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Jésus. N'est-ce pas un privilège que nous avons d'appartenir à ce Dieu-là? Je voudrais que nous puissions le louer, le glorifier et l'adorer en chantant ces cantiques. Au Seigneur, élevons tous ensemble nos voix pour bénir ce grand Dieu, pour le glorifier, pour l'élever, pour la place, pour le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Au nom de Jésus, élevons nos voix. La force dans la prière. Je te bénis, cher Saint-Esprit, toi qui n'es pas un esprit de crainte, mais tu es celui qui nous libère. Oui, tu es celui qui crie en nous « Abba Père ». Tu es celui qui nous donne la certitude du salut jour après jour. Oh, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, toi qui témoignes à notre esprit jour après jour que nous sommes enfants de Dieu. Sois béni, Seigneur, toi qui nous garantis notre salut. Nous bénissons ton nom, ô cher Saint-Esprit, nous t'élevons. Toi qui nous soutiens et qui nous conduis jour après jour. Toi qui es notre consolateur et notre conseiller. Oh, nous bénissons ton nom, cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Jésus, toi qui ne nous as pas laissé des orphelins, mais qui nous a envoyé l'esprit de vie, l'esprit d'adoption. Oh, nous t'élevons, nous te glorifions, Jésus. Que l'honneur te revienne en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous pouvez suivre cette émission sur notre site web. Et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une application, Fréquence Vie, que vous pouvez télécharger aisément si vous avez un téléphone ou bien une tablette Android. Vous allez sur Google Play et puis vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous cliquez sur Installer et vous aurez l'application et vous pouvez maintenant suivre facilement Fréquence Vie et prier avec OSB. Et j'aimerais vous dire que l'émission OSB est rediffusée à 11h. Et à 20h, temps universel. Le passage du jour, c'est Romains chapitre 8, 14 à 16. Nous venons de voir que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Il n'est pas un esprit de crainte non plus. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent dans la servitude. Si toi-même tu te sens, tu es bloqué, tu sens comme si tu es enveloppé, tu es dans une prison, dans un cachot, sache que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si tu sens que tu as toujours peur, tu es hanté par de phobies, de pensées, de peurs, de craintes, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Nous allons prier pour briser ces pensées, pour briser ces chaînes de peur, de servitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour toutes les grandes choses que tu fais dans notre vie chaque jour. Lorsque nous tournons vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Tu es le Dieu qui nous protège, tu es le Dieu qui nous rassure. Tu as dit dans ta parole, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? C'est pourquoi ce matin nous prions au Père dans le nom de Jésus contre tous ceux qui sont harcelés par l'esprit de peur, par l'esprit de servitude. Nous déclarons que les chaînes de cet esprit sont brisées dans leur vie. Nous proclamons la liberté. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'ils sont libérés de toute forme de peur, qu'ils sont libérés de toute forme de servitude, qu'ils sont libérés de toute forme de crainte. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de paix écrase Satan sous leurs pieds et qu'ils aient l'assurance, la véritable assurance du salut et qu'ils marchent dans la liberté. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu dans la prière, de l'appeler Père. Si tu es dans le besoin, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème de visa, un problème n'importe lequel, sache que tu as un Père. Tu vas t'adresser à lui pour dire, Père Céleste, voici mon problème. Que chacun maintenant s'approche de Dieu pour lui demander ce dont il a besoin, parce qu'il est son Père en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin de nous adresser à notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de nous adresser à celui-là qui nous a rachetés à un grand prix, celui-là qui nous a choisis, qui a fait de nous une nouvelle famille, un royaume des enfants de Dieu. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé. Et nous sommes dans la période de la Pentecôte. C'est dans le nom de Jésus-Christ, en étant rempli du Saint-Esprit, nous voulons te demander de nous accorder la guérison, de nous accorder, ô notre Dieu, le mariage, de nous accorder l'intelligence pour que nos enfants réussissent à l'école. Nous prions notre Dieu de restaurer nos vies, de transformer nos vies, nos pensées, des œuvres mortes de la chair par le sang de l'agneau. Fais de nous des hommes de prière remplis du Saint-Esprit, notre Père, car nous comptons sur toi. Tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre cœur désire ce qui est bon pour la gloire de ton nom, la joie du cœur, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit rend en nous le témoignage qui confirme notre appartenance à Dieu. Il rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous allons prier pour tous ces chrétiens-là qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas encore cette certitude. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils reviennent, ils pensent que chaque fois qu'ils pêchent, ils doivent encore revenir pour demander à Jésus d'entrer leur vie. Beaucoup de gens n'ont même pas la certitude de savoir s'ils meurent aujourd'hui, où est-ce qu'ils iront. Nous allons prier. Si toi-même, tu manques cette certitude, tu vas prier pour que Dieu t'aide à avoir cette certitude. Et si tu sais que tu n'as jamais rencontré Jésus, il faut commencer par là. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette certitude à chacun de nous. Qu'il témoigne par son esprit que nous lui appartenons, que nous sommes enfants de Dieu. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Abba Père, nous te disons merci. Tu es notre papa, tu es notre Dieu, tu es notre avocat. Merci parce que tu ne nous as point laissés orphelins et tu nous as donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, nous avons la certitude que nous sommes tes enfants. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la certitude que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons la certitude que le Saint-Esprit œuvre, coopère en nous. Le Saint-Esprit se glorifie en nous. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Le Saint-Esprit vit en nous. Et si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pour cela, je crois aujourd'hui que quelqu'un maintenant a la pensée claire du Saint-Esprit. Quelqu'un sait que le Saint-Esprit n'est pas loin de lui. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de lui, mais en lui. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. C'est pour cela, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre comme des enfants dignes de Dieu. Nous pouvons faire la volonté de Dieu. Nous pouvons être dirigés, conduits par l'Esprit pour faire les œuvres de notre Père. Béni sois-tu, Saint-Esprit, parce que tu nous accompagnes, parce que tu es. Et avec toi, nous évoluons, nous progressons de gloire en gloire, de succès en succès, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que ce dimanche, nous n'aurons pas notre rencontre bonheur conjugal. Nous aurons le dimanche 22 mai, bonheur conjugal pour les célibataires. Ce sera l'après-midi. Thème, la persévérance qui conduit à la victoire. Ce sera le dimanche 22 mai. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.